dernier tour d'horizon de l'actualité scientifique de l'année 2019, aujourd'hui dans la méthode scientifique. Et au menu de cette table ronde, une quantité gargantuesque de sujets, certains que nos chers auditeurs nous ont proposés sur Twitter, mais aussi d'autres sujets passés un peu plus inaperçus cette année que les journalistes du vendredi nous ont apportés dans leur panier. Au menu donc, on parlera aujourd'hui de l'exosquelette qui a permis à un homme tétraplégique de se déplacer, d'une voiture autonome assassine, nous parlerons aussi des tremblements de la planète Mars ou du réseau 5G qui perturbe les observations satellites météo. Enfin, nous reviendrons sur la pollution des microplastiques et sur le recours croissant à la PrEP, cette prévention médicamenteuse contre le VIH. Table ronde d'actualité 2019, ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas vu passer, c'est le menu découverte que nous vous proposons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour célébrer ces agapes scientifiques de fin d'année, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre équipe de chefs étoilés, passeurs de science. Muriel Valin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service à Science et Vie. Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. Et une nouvelle venue à notre table, Sylvie Burnouf, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste scientifique pour l'agence de presse médicale APM News et vous contribuez régulièrement aux pages Planète du journal Le Monde. Un grand merci à tous les trois d'être là pour cette dernière table ronde d'actualité de l'année 2019. Comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter @laméthodefc, nous réécouter sur le site franceculture.fr ou nous télécharger sur l'appli Radio France. Et avant de nous plonger dans cette abondance de nouvelles scientifiques, on retrouve comme chaque jour celle qui traduit le menu de l'actualité scientifique dans toutes les langues. Il s'agit évidemment de Natacha Triou et de son journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Physics. Des physiciens viennent de déplacer des électrons à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et cela fait des années que l'on cherche à conduire l'électricité le plus rapidement possible. Lors d'une expérimentation, une équipe européenne a conduit des électrons à se déplacer à des vitesses somme femtoseconde. Donc à moins d'un quadrillionième de seconde. Pas facile à dire. Quadrillionième. Merci. On pourrait resituer à l'heure actuelle. Nos composants électroniques, basés sur des semi-conducteurs au silicium, sont activés en picosecondes, des milliers de milliards de secondes, donc 1000 fois plus lentement qu'une femtoseconde. Pour réaliser cela, ils ont notamment utilisé des impulsions laser. L'idée, c'est d'utiliser l'impulsion lumineuse pour contrôler les propriétés des électrons. C'est de la recherche fondamentale, hein, il faudra du temps pour pouvoir l'appliquer, mais à terme, cela pourrait repousser les actuelles limites des systèmes informatiques. Marino Marci est physicien au laboratoire de physique des solides à l'université Paris-Saclay. Et ils ont couplé deux éléments de technologie extrêmement poussés, qui est vraiment la limite de la technologie d'aujourd'hui. D'un côté, des impulsions de lumière très très très courtes qui permettent d'accéder à l'échelle de ce qu'on appelle l'attoseconde. L'attoseconde, c'est un temps qui est plus court que un millionième de milliardième de seconde. C'est un temps infiniment court qui correspond au temps de l'orbite d'un électron dans l'atome. Donc c'est l'échelle de temps typique des électrons, en quelque sorte, dans la matière. Et d'un autre côté, ils ont aussi réalisé un dispositif, un nanocontact, c'est-à-dire de contact électronique, sur une échelle très petite, et qui permet de faire passer les courants sur une échelle d'espace très très petite, donc de l'échelle des atomes. Et donc, ils ont réalisé un proof of principle pour montrer qu'on peut transférer des électrons sur une échelle presque atomique, et sur l'échelle de temps la plus courte possible. La nouveauté de la manip, c'est vraiment de coupler les deux choses. Les deux aspects sont de la technologie de pointe, et coupler les deux, c'était vraiment la nouveauté de cette expérience. Ce qu'ils ont montré ici, c'est qu'on peut réaliser en principe des switches, des transistors, des millions de fois plus rapides. Donc ça pourrait être vraiment une nouvelle génération de dispositifs électroniques pour faire passer l'information plus vite, pour la stocker plus vite, pour tout faire beaucoup plus vite. En bref, une équipe internationale a utilisé la technologie des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 pour éditer des plants de tomates. Oui, pour rendre ces plants de tomates beaucoup plus compacts, comme des vignes, et pour accélérer leur rendement. Alors les résultats viennent de paraître dans la revue Nature Biotechnology. Les fruits poussent en grappes et mûrissent plus vite. Les généticiens ont restructuré le génome de la tomate et ils ont modifié deux gènes, les gènes SP et SP5G, qui contrôlent la croissance et la taille des plants, et le gène SIER, qui contrôle la longueur des tiges. Alors, les auteurs disent vouloir créer une plus grande variété de cultures, plus adaptée aux environnements urbains, selon eux, diminuer le temps des récoltes et la taille des plantes pourrait révolutionner l'agriculture urbaine. En bref, toujours, selon une étude parue dans Nature Energy, nous produisons plus qu'assez d'énergie pour que tous les humains de la planète aient une vie décente. Mais une équipe autrichienne a calculé quels étaient les besoins énergétiques d'une société pour subvenir aux besoins fondamentaux de chacun. Leurs calculs montrent que pour fournir les bases d'une bonne santé, d'une bonne nutrition et d'une bonne éducation, cela nécessite très peu d'énergie. Et il s'avère que chaque économie génère déjà suffisamment d'énergie pour garantir à chaque personne un niveau de vie décent. Développement économique et stabilisation du climat sont compatibles, c'est la conclusion de ce papier. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal, l'étoile 49 SETI interroge la théorie de la formation des planètes. L'étoile 49 SETI se trouve dans la constellation de la Baleine, à 186 années-lumière de nous. C'est une jeune étoile, vieille de 40 millions d'années. Elle a été détectée par l'observatoire ALMA au Chili. Alors ce n'est pas 49 SETI qui pose problème en soi, mais le disque de gaz très massif qui l'entoure. Selon nos modèles cosmogoniques, les planètes se forment dans des disques gazeux et poussiéreux qui entourent les jeunes étoiles. C'est ce qu'on appelle les disques protoplanétaires. Alors, à son âge, à 40 millions d'années, l'étoile 49 SETI ne devrait plus avoir ce disque. Arthur Vigan est astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Le disque de gaz qu'on a détecté autour, c'est pas forcément une surprise de trouver du gaz là, mais c'est une surprise d'en avoir trouvé autant, parce que les systèmes planétaires se forment autour de leur étoile dans un nuage de gaz et de poussière. Mais en fait, au bout d'un moment, le gaz, il a tendance à se dissiper avec le temps, notamment parce que les planètes vont en absorber une partie, mais aussi parce que le vent stellaire va chasser ce gaz vers l'extérieur. Et donc, trouver beaucoup de gaz après 40 millions d'années, c'est un petit peu une surprise, parce qu'on s'attendrait à ce qu'il ait déjà disparu à cet âge-là. Disons qu'il y a dans la formation de planètes, il y a différentes phases. Dans un premier temps, la poussière dans le disque va progressivement s'agréger, en faisant des particules de plus en plus grosses, jusqu'à former des cœurs rocheux qui sont à peu près de la taille de la masse de la Terre, voire même plus massifs que la Terre. Et en fait, ces cœurs rocheux vont ensuite accréter du gaz. Parce qu'évidemment, avec la gravité, ces cœurs rocheux, ils vont commencer à accréter du gaz dans le disque, de plus en plus de gaz, et progressivement, ils vont former des planètes géantes, des géantes gazeuses, un petit peu comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Et une fois que ces planètes géantes sont formées, y a une grande partie déjà du gaz qui va être dans l'atmosphère de ces planètes-là. Et en fait, on pense que les planètes géantes, elles se forment en quelque chose comme une dizaine de millions d'années maximum, qui est à peu près le moment où on s'attend à ce que le gaz disparaisse des sites, alors que les planètes telluriques comme la Terre, elles se forment sur des échelles de temps beaucoup plus longues, de quelques centaines de millions d'années. En bref, une étude parue dans le British Medical Journal met en lumière une disparité de genre dans le monde des sciences. Oui, l'autopromotion. Dans les résumés d'études où les chercheurs présentent leurs travaux, on peut lire des adjectifs comme nouveau, unique, prometteur, sans précédent. Une équipe internationale a analysé plus de 6 millions d'études parues entre 2002 et 2017 dans des revues de référence. On constate que l'usage de ce vocabulaire flatteur varie selon le genre de l'auteur. Les chercheuses utilisent beaucoup moins de termes positifs pour présenter leurs études, jusqu'à 20% au moins que pour les hommes. On sait aussi que par la suite, les publications présentées de façon positive sont ensuite plus citées. Donc selon ce papier, voici un autre biais qui pénalise les carrières des chercheuses. Et cette semaine, dans le journal des sciences, nous avons parlé de nouvelles datations sur l'extinction de l'Homo erectus en Indonésie, mais aussi de l'hyper-kamiokande, le futur détecteur de neutrinos japonais. Nous avons vu également comment le réchauffement climatique menace les abeilles. Et nous avons parlé d'une nouvelle cartographie du striatum, la zone cérébrale qui régule la motivation. Mais cette semaine, également dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref. Lundi, la Russie a annoncé avoir testé avec succès son propre Internet, le Runet, son propre réseau coupé du web mondial. Il y a quelques semaines, nous en parlions ici plus longuement dans notre émission Internet nationalisé, la liberté au pied du mur. En 2020, SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, va envoyer 3 fois plus de fusées qu'en 2019 pour son projet Starlink. Ce sera environ 3 lancements par mois. 120 satellites sont déjà en orbite. À terme, le projet en prévoit 12 000. Les astronomes s'inquiètent de la pollution d'un tel projet, tant pour les observations astronomiques perturbées que pour les futurs débris spatiaux. Et enfin, en Floride, les zoologues viennent de découvrir que les crocodiles peuvent galoper. Leurs travaux publiés dans la revue Scientific Report prouvent que c'est une faculté très répandue chez ces reptiles. En moyenne, les crocodiles galopent à 18 km/h. Et comme chaque vendredi, on termine par la rubrique des sciences improbables, avec ce vendredi une improbablogie spéciale fête de fin d'année. Vous nous régalez, rapportée par le journal Annals of Internal Medicine. Et c'est un cas unique. Un homme en Allemagne s'est présenté aux urgences avec des nausées, des vomissements, des malaises. Les analyses ont montré qu'il avait tellement de graisse dans le sang que son sang est devenu blanc et épais. Sur les photos, on le voit, ça ressemble à du lait. Les tests sanguins ont montré que ses taux d'acide gras et de glycérol étaient 36 fois plus élevés que les seuils maximums. Alors pour le sauver, les médecins ont pratiqué une saignée. Bon appétit. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve la semaine prochaine, jeudi et vendredi, surtout pour un grand et gras et beau journal des sciences spécial 2019. Alors un petit tour de table après cette mise en bouche, ces amuse-gueules de 2019, Olivier Lascar. Alors, on peut manger des tomates en amuse-gueule, hein, sans doute. Moi, j'ai été frappé par la photo des tomates dont parlait Natacha pendant son journal, puisqu'on voit vraiment une sorte de buisson dont chaque extrémité se termine par une tomate. C'est assez atroce, hein, la première réaction qu'on a forcément. Ça ressemble aux expériences du comte de Champignac dans Spirou. Dans Spirou. Alors, le comte de Champignac, il est gentil, mais alors là, on se dit si ça tombe dans des mauvaises mains, je ne sais pas ce que ça peut faire. En tout cas, il ne faut pas oublier, malgré des images un peu effrayantes comme celle-là, que 2019, ça a quand même été l'année décisive pour CRISPR, qui a permis à cette technologie, à la technologie du ciseau moléculaire, de faire rentrer la thérapie génique dans une sorte de processus de normalisation. Il y a eu cette année des cas de malades, de patients. Il y a eu par exemple le cas d'une Allemande en Allemagne qui devait subir plusieurs dizaines de transfusions sanguines par an parce qu'elle avait une maladie du sang. Elle a été traitée avec CRISPR il y a quelques mois. Elle semble rétablie. Donc c'est quand même une année assez déterminante pour cette technologie qui est toute récente, hein, puisqu'elle date CRISPR-Cas9, ça date de 2012, c'est une invention de la française Emmanuelle Charpentier et de l'américaine Jennifer Doudna, si je ne m'abuse. Exactement. Et donc voilà, moi c'est ce que je retiendrai en positif, j'oublie les aspects un peu gras, voilà. Muriel Valin, une réaction, un sujet qui vous aurait plus intéressé qu'un autre? Oui, alors moi je vais réagir sur l'annonce de SpaceX et ses différents envois qui ont commencé et qui vont se prolonger, hein, puisque ça nous fait une belle transition entre 2019 et 2020. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que donc l'intention derrière l'envoi de ces satellites, c'est d'essayer d'avoir un Internet disponible partout sur Terre, y compris dans les zones où actuellement on n'a pas de réseau. Donc l'intention est intéressante, louable. Après, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sur ce projet-là et qui mettent des gros moyens avec des grappes de satellites qu'on envoie partout. Et comme Natacha l'expliquait, on va se retrouver avec énormément de débris et puis d'appareils voilà, qui vont être installés dans l'espace. Voilà, à quel prix on fait ça? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment on va gérer ces... Est-ce que Elon Musk va tuer la nuit mondiale? C'est voilà, on n'en est pas là, mais en tout cas, le questionnement peut commencer dès à présent. Sylvie Burnouf, un sujet qui aurait retenu votre attention dans ce journal des sciences. Je voulais également revenir sur l'étude sur les tomates compactes. Mm-hmm. C'est vrai que ça semble intéressant, notamment pour l'agriculture urbaine. Après, faut voir comment ça va se passer en vie réelle, enfin quand ça sera vraiment développé. Notamment, enfin, on sait que certains pathogènes peuvent se développer plus facilement quand les plants sont plus compacts. Par exemple, le mildiou, qui aime beaucoup les environnements humides. Ouais. Est-ce que du coup, ça va pas favoriser un recours aux pesticides? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aussi. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h14, vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture et on commence tout de suite notre banquet, notre grand banquet des actualités scientifiques avec vous, Muriel Valin, et on va se lancer tout de suite dans notre repas promis avec un sujet suggéré par l'un de nos abonnés Twitter sur cet exosquelette qui a permis à un jeune homme tétraplégique de entre guillemets, remarcher ou en tout cas de se déplacer. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la genèse de ce projet-là, dont on avait parlé dans une émission, dont on va partager le lien sur le fil Twitter, et nous expliquer un petit peu la prouesse qui a été celle faite par Clinatech à Grenoble? Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont eu l'occasion de voir la vidéo sur Internet. Elle est spectaculaire. Il y a quelque chose de vraiment touchant, bluffant de voir cet homme qui avance avec quelque part, effectivement aidé par cet exosquelette. Donc ça s'est passé en octobre dernier. Ce sont des chercheurs du CEA Grenoble qui sont derrière cette prouesse. Et on peut parler réellement de prouesse parce que quand on regarde un peu ce qui se passe dans le développement des exosquelettes, c'est un domaine de recherche qui est en pleine expansion. Ça fait quand même une dizaine d'années au moins qu'il y a des travaux dessus. Au départ, c'était les militaires qui étaient très moteurs. On l'imagine assez facilement pour aider les soldats. Et puis, il y a eu tout un tas de pistes qui ont été explorées à la fois du côté médical et aussi du côté de l'industrie, puisque ça pouvait aider les ouvriers, par exemple, à porter des charges lourdes. Et du côté médical, il faut bien dire que les recherches étaient là, mais qu'il n'y avait pas vraiment de résultats tangibles. De preuves de concept, voilà, il y avait des intentions, des projets théoriques, mais les réalisations n'étaient pas forcément encore très perceptibles. Et donc, ce qui s'est passé en octobre dernier, où on a vu ce patient, donc il y avait un tout jeune, 28 ans, qui était tétraplégique, qui ne pouvait plus bouger du tout avec ses jambes et qui s'est mis à refaire quelques pas, ont permis de montrer que le principe théorique pouvait être appliqué. Donc concrètement, comment ça marche? C'est le principe de l'exosquelette, c'est qu'on va implanter des électrodes donc de manière invasive au niveau du cerveau, qui vont être capables de détecter les signaux de la personne quand elle souhaite marcher. Les signaux électriques de la zone motrice. Les signaux électriques vont être récupérés, transmis en temps réel à un ordinateur qui va du coup commander l'exosquelette pour qu'il se déplace sous la commande du patient. Ça fonctionne bien. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que ça reste une technique vraiment, ce sont les tout débuts. C'est des balbutiements. C'est modeste, voilà. Mais donc on voit que c'est le début parce que les pas sont encore assez compliqués, c'est pas très fluide. Il y a aussi tout un attirail autour. À la fois, je parlais que c'était une méthode invasive parce qu'effectivement, il faut aller implanter des implants semi-invasifs, des capteurs dans le cerveau. Et puis, il y a aussi tout un tas de câbles qui sont installés autour parce que ça ne pourrait pas fonctionner pour l'instant comme ça. Ceci dit, quand on voit qu'on arrive à faire ça, c'est effectivement très très prometteur pour la suite. Et on peut imaginer, les recherches sont d'ailleurs en cours, pour essayer de rendre ça moins invasif, plus naturel, et avec des perspectives qui sont très très intéressantes. C'est prometteuse. Voilà. Cette vidéo, elle a été publiée en octobre 2019. Je crois que Thibault, le patient en question qui a été implanté, l'a été en 2017. Quel type d'entraînement il a dû suivre, lui, pour arriver à faire ces quelques pas-là? Alors, c'est vraiment pas c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment essayer d'arriver à déclencher les mouvements de l'exosquelette. Et il y a à la fois des travaux d'entraînement du côté du patient, mais aussi tout l'aspect, l'ordinateur et tous les capteurs embarqués qui doivent être capables de récupérer ces signaux-là et de déclencher un mouvement. C'est intéressant aussi parce que, en fait, on n'est pas très loin de tous les travaux qui sont en cours en ce moment sur les interfaces homme-machine, dont on parle beaucoup, qui dépassent même le cadre médical, qui ont des applications très, très essentiellement médicales. Vous êtes attendus d'un point de vue médical, mais pas seulement. Mm-hmm. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler, mais il y a le fameux Elon Musk évidemment, on en a parlé. Une fois de plus, et sur ce projet-là. Avec Neuralink. Neuralink, qui lui annonce pour 2020 des premiers tests qui consisteraient, là encore, à faire une interface cerveau-machine pour pouvoir avoir un nouveau type de commande. Et puis, il y a plein de projets derrière, mais ça pourrait être, on peut imaginer que l'interface de demain, pour les personnes handicapées, par exemple, ce serait de pouvoir commander un ordinateur ou un objet par la pensée avec juste une liaison cerveau-machine. Et évidemment, dans le cas d'Elon Musk, c'est mieux que les autres et ils annoncent des avancées technologiques beaucoup plus performantes avec des types d'implants un peu plus performants, des fils qui seraient plus fins. Alors, attend de voir. Pour l'instant, on est au stade de l'annonce. On attend parce que c'est quand même très, très compliqué à faire. Là, on parle, et vous l'évoquiez, de preuves de concept. Donc, c'est vraiment les balbutiements, les premiers pas. Et la blague n'est pas fortuite. Cette preuve de concept, c'est très impressionnant avec un exosquelette, une grosse structure comme ça, mais ne serait-ce que pour une personne en fauteuil roulant, de pouvoir déplacer un joystick par la pensée, ce serait déjà un gain d'autonomie énorme. Tout à fait. Et ça, on avance vraiment très vite. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus qui sont peut-être plus faciles et qui vont déboucher plus vite que la marche, où il y a la locomotion, c'est quelque chose de très compliqué à remettre en place, l'aspect mécanique. Le déplacement d'un curseur sur un écran avec un casque d'électrode, on sait faire aujourd'hui. Et c'est pas encore quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours, mais on sait le faire et on peut s'attendre vraiment courant 2020 et dans les prochaines années avoir beaucoup de choses arriver. Alors ce patient, cette tétraplégique, a fait quelques pas. Quelles sont les prochaines étapes de son entraînement et quels sont les prochains gestes qu'il va essayer de faire grâce à ses implants et grâce à cet exosquelette, pardon. Je pense que pour l'instant, on n'est pas... c'est ça, je parlais d'un développement modeste. Voilà, il ne faut pas s'enthousiasmer non plus de manière exagérée. Essayer de s'approprier l'exosquelette et avoir quelque chose, un mouvement plus fluide et plus long, ça va être déjà la priorité. On ne parle pas pour l'instant de grands, grands déplacements. Je ne parle même pas de la course. Hein. On est sur quelque chose qui doit... Voilà, on est au tout, tout début. Je crois que les prochains gestes, ce sera l'appréhension, prendre un objet, oui, le manipuler et puis aussi maîtriser l'équilibre de cet exosquelette qui est très impressionnant. On l'avait vu, moi j'étais allé à Clinatech en reportage. C'est vrai que c'est une structure très, très impressionnante et on imagine la prouesse technologique que c'est, mais ça reste quelque chose d'assez peu souple. Voilà, et c'est ce qui fait que le travail sur les exosquelettes est intéressant parce que ça fait intervenir plein de corps de métiers différents dans la science. Il y a toute la partie mécanique, la partie algorithmique, les capteurs. Enfin voilà, c'est vraiment un groupement de plein de disciplines scientifiques pour essayer d'approcher quelque chose qui fasse plus corps avec le corps humain justement. Alors on va partager sur Twitter le lien vers l'émission qu'on avait consacrée aux exosquelettes et à toutes ces interfaces cerveau-machine. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au deuxième sujet que vous avez apporté dans votre panier. Muriel Valin, ce cas d'une voiture autonome Uber qui avait heurté et tué en 2018 une passante en Arizona. Et la justice a tranché tout récemment. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on remonte le fil de cette enquête et qu'on se transforme un petit peu en Christophe Ondelat. Qu'est-ce qui s'est passé ce 18 mars 2018 en Arizona? Alors... Vous vous en souvenez peut-être, parce qu'on en avait parlé de cet événement, hein. Effectivement, mars 2018, il y a eu un premier accident mortel d'un piéton lié à une collision avec une voiture autonome. Alors pourquoi on en avait beaucoup parlé à l'époque? C'est que les tests avec les voitures autonomes ont démarré déjà depuis 2015, donc il y en a eu beaucoup qui ont été mis en circulation. Mais ce jour-là, pour la première fois, il y a eu un accident qui a conduit à la mort d'un piéton, ce qui n'était pas arrivé. Il y avait eu des accidents avec des tôles froissées. Il y a eu plusieurs épisodes, mais voilà, c'était le premier choc qui a entraîné la mort d'un piéton suite à donc une voiture autonome qui s'était retrouvée sur la route. À l'époque, j'avais eu l'occasion de travailler un peu dessus pour Science et Vie. On avait essayé de voir. L'enquête était lancée, mais on n'arrivait pas à savoir précisément. Quelle était la cause de cet accident? On avait parlé des capteurs, on avait parlé du fait que c'était la nuit, que c'était un vélo, qu'on ne savait pas forcément bien identifier un vélo. On avait parlé de l'ordinateur. On ne savait pas. Donc une enquête a été lancée et il y avait beaucoup d'attentes sur ce sujet-là parce que forcément, il y avait un côté un peu emblématique de se dire c'est le premier accident d'un piéton. On ne peut pas en rester là. Et puis, il faut vous rappeler aussi que les voitures autonomes, elles sont développées avec l'un des arguments principaux, c'est de dire plus de sécurité. Bien sûr. Moins d'accidents, une garantie de survie. Oui, oui. Et puis donc 18 mois plus tard, il a fallu quand même attendre pas mal de temps. Effectivement, il y a eu les premières conclusions qui sont arrivées, un retour d'enquête. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir dessus aujourd'hui. C'est parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas l'histoire de la nuit, c'est pas l'histoire des capteurs, non. Le problème qui s'est passé ce jour-là, c'est l'ordinateur, l'intelligence artificielle embarquée, qui n'a pas été capable d'identifier un piéton avec un vélo qui passait, je ne l'ai pas précisé, mais c'était en dehors d'un passage clouté. Voilà. Alors, pour rappel, pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément en tête comment ça marche, une intelligence artificielle, pour qu'elle arrive à repérer une situation et qu'elle déclenche du coup un raisonnement par rapport à ça, elle fonctionne avec une base de données, d'images qu'on lui soumet avant et qui l'aide à apprendre à réagir à des situations. Ce qui se passe, c'est que on lui avait donné des images dans sa base de données, mais il n'y avait pas cette image-ci. Cette image d'un piéton avec un vélo hors des clous, ça, elle ne l'avait pas dans sa base. Et donc, Elle s'est retrouvée devant cette situation, elle n'a pas su l'interpréter et elle a continué sa route. Et là, c'est le gros problème parce que l'intelligence artificielle a quand même repéré, sans identifier la personne comme un potentiel obstacle, elle l'a repéré 5-6 secondes avant le choc, je crois. Voilà. Et elle y est quand même allée. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, les intelligences, elles sont encore très, très, très, très limitées. Et voilà, il n'y a pas de. C'est un exemple très, très éloquent de ce problème-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Enfin, c'est très compliqué d'imaginer tous les scénarios auxquels une voiture va être confrontée. On peut imaginer le piéton sur le passage clouté, le vélo sur le passage clouté, le piéton avec de la neige, le piéton sans neige. Finalement, l'essentiel des images qui sont dans les bases de données sont les schémas un peu classiques, souvent plus dans des situations claires, parce que les photos, c'est comme ça qu'on les a les plus souvent. Et donc, quand on est dans une situation où il y a un peu de brouillard, de neige, on n'est pas dans un schéma classique, la voiture, elle ne sait plus faire. Et toute la difficulté, c'est qu'on ne pourra jamais avoir toutes les situations en stock. On en aura de plus en plus, mais on ne peut pas tout imaginer. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu quel jugement a rendu la justice américaine, parce que c'est quelque chose qui m'a surpris, les torts sont partagés quand même. Dans ce jugement-là, c'est l'Arizona qui est en cause, la victime c'est un peu de sa faute, et c'est aussi un peu de la faute d'Uber, ils ont coupé la poire en trois, entre guillemets. En fait, pour l'instant, sur la voiture autonome, d'un point de vue juridique, on ne sait pas quoi faire. Oui, parce qu'il y a quand même quelqu'un aussi qui était au volant de cette voiture autonome. Et qui n'était pas attentive. Là encore, on voit à quel point finalement c'est prématuré. Ouais. On ne sait pas comment trancher une situation telle que celle-ci, puisqu'on n'y a jamais été confronté. Donc eux, ils ont tranché de cette manière-là. Il y a beaucoup de discussions actuellement pour se demander effectivement comment on va répartir les responsabilités en cas d'accident. Ce que je trouve intéressant aussi, quand on essaie de revenir un peu sur cet épisode, c'est qu'il a été très marquant. Et il montre à quel point finalement on a du mal à accepter qu'une machine tue un piéton. On sait tous qu'il y a énormément d'accidents mortels, malheureusement, tous les jours autour de nous. C'est du fait humain et c'est devenu quelque chose qui est complètement accepté. L'idée qu'une machine puisse tuer un individu, ça pose un problème et amène tout un raisonnement et questionnement et montre à quel point, là encore, on n'est pas prêt d'avoir des voitures autonomes partout tant qu'on ne maîtrise pas mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quelles sont les recommandations qu'a faites qu'a fait le régulateur américain des transports dans ce cas précis? Je crois qu'ils ont fait une longue liste de séries de recommandations, aussi bien à Uber qu'à l'État de l'Arizona. Qu'est-ce qu'ils ont conseiller de faire aux fabricants de ces voitures autonomes? Quelles sont les premières listes de contraintes qu'ils vont imposer aux fabricants de voitures Alors, autonomes du côté des constructeurs, il va y avoir un travail à faire justement pour améliorer les bases de données et tenir compte de davantage de scénarios possibles, ce que j'évoquais. Je pense qu'il y a aussi je l'ai pas évoqué, mais sur les voitures autonomes, il y a ce qui s'appelle les algorithmes de filtrage, qui normalement sont une sorte de deuxième niveau de sécurité, c'est-à-dire que quand des capteurs détectent des obstacles ou une situation un peu étonnante, il ne doit pas y avoir une décision immédiate qui doit être prise. Et il y a un algorithme de filtrage qui va consister en fait à regarder si les capteurs ont bien vu plusieurs fois de suite un obstacle ou si plusieurs capteurs ont bien vu un même obstacle. Voilà, l'idée c'est de dire une information ne doit pas suffire à déclencher une réaction qui pourrait être un bug, un tempestif. Donc ça, ces algorithmes de filtrage sont un peu une deuxième sécurité et aujourd'hui, ils ne sont pas encore très performants, il faut bien le dire. Donc, ils commencent à être performants en labo, mais dès qu'on se retrouve dans des situations du quotidien, on voit bien que ça bloque et qu'on n'est pas encore dans une grande efficacité. Donc là-dessus, il va y avoir encore des travaux à faire aussi. Les tests de conduite autonome ont repris pour Uber, je crois, fin 2018, d'abord en Pennsylvanie. Et je crois que General Motors a lui-même lancé un test de voiture autonome. Olivier Lascar, est-ce que vous seriez prêt à vous mettre au volant d'une de ces voitures tueuses? Si elle est tueuse, je vais passer mon tour, mais c'est vrai qu'on en parle tellement de la voiture autonome depuis des années maintenant, et nous tous, dans nos journaux respectifs, quand un accident comme celui-là survient, il y a une sorte d'état d'hébétude du public, parce qu'on leur a promis tellement monts et merveilles qu'on a du mal à comprendre que ça puisse survenir. Pourtant, ce sont des étapes étapes forcées par lesquelles il faudra passer. C'est malheureux à dire, puisque là, il y a quand même une personne qui est décédée. Mais ce type d'accident, ça arrivera dans l'expérimentation sur le terrain. Et comment ne pas passer par une expérimentation sur le terrain, puisque c'est des engins qui ont vocation à nous transporter d'un point A à un point B, constamment et partout. Donc, bon... À voir. Sylvie Burnouf, sur ces deux premiers sujets de notre table ronde d'actualité, quelque chose par rapport à la voiture autonome, oui. Le fait que ce soit une machine, c'est vrai qu'on devrait peut-être pouvoir exiger qu'elle soit parfaite, contrairement à l'humain. Surtout qu'il y a des sociétés derrière. Enfin voilà, c'est un business un peu. Enfin voilà. Mais je me demandais, depuis cet accident, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont produits? Il n'y a pas eu d'accident mortel à ma connaissance, ou bien ça n'a pas été. Ça a été caché par la grande firme. On n'en sait rien. Mais a priori, il n'y a pas eu d'accident mortel. Mais ils ont pu continuer à circuler. Il y a eu, juste après l'accident, il y a eu une. Ils ont un peu levé la pédale. parce que justement, on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Et puis, ça a repris depuis. Et là, il va y en avoir énormément dans les prochains mois. Ce qui ressort de tout ça, c'est que visiblement, on n'est pas encore vraiment prêt. Il y a énormément de tests qui vont avoir lieu sur des zones dédiées aux voitures autonomes. Ce qu'on commence à voir, y compris en France, des petites navettes, qui relient deux points et sur lesquelles il y a très peu de risques de confrontation avec des piétons ou des obstacles. Et probablement qu'il n'y a pas eu assez encore de tests sur ce type de tronçon pour pouvoir avoir du retour d'expérience et pouvoir passer à l'étape d'après. On suivra l'évolution de la préhistoire de ces véhicules autonomes dans le futur, dans de futures émissions. Choc provoqué par l'accident, j'ai bondi bousculant des personnes qui restaient là les bras ballants. J'avais peur de savoir, j'avais peur de te voir couché là étendu, brisé et presque nu. Et tu es là, c'est toi, l'accident ne t'épargne pas. Pourquoi le ciel a-t-il voulu ça? J'ai revu dans ma mémoire les causes de l'accident. Tu vivais perdu dans ta nuit noire, tes amours de femme-enfant. Je m'éloignais de toi et tu doutais de moi. Rongé par le remords, tu as cherché la mort. Et tu es là, c'est toi, l'accident ne t'épargne pas. Pourquoi le ciel a-t-il voulu ça? L'accident par Eddie Mitchell à 16h34 dans la méthode scientifique sur France Culture, puisqu'on parlait à l'instant d'accident de voiture autonome, avant la musique, dans notre tour d'horizon sélectif de l'année scientifique, et on poursuit notre festin de découverte avec vous, Olivier Lascar, et tout de suite, un sujet proposé par nos abonnés Twitter, les tremblements de Mars, repérés par la mission InSight, c'était en avril dernier, et c'était pas une mince affaire à détecter, Olivier. Non, parce que ce sont des signaux qui sont extrêmement ténus, hein, extrêmement fragiles. On estime que l'activité sismique de Mars, elle est à peu près 100 fois moindre que celle qu'on constate sur Terre. Alors pour pouvoir les entendre, ces tremblements de Mars ou ces tremblements de Terre, on ne sait plus comment il faut dire, oui. Évidemment il fallait y aller, oui. Du sol martien. Donc pour y aller, ça consiste en une mission de la NASA qui s'appelle la mission InSight, qui a atterri sur la planète rouge en novembre dernier. Et cette mission, elle a différentes buts scientifiques. Enfin, il y a quand même un cadre global qui est celui de l'observation géologique de l'astre martien. Oui. C'est un petit peu une nouveauté parce que il y a des exceptions. Il y avait Voyager, par exemple, mais mais dans le passé, les précédentes missions martiennes s'étaient vraiment focalisées sur l'observation de signes de vie, hein, la vie microbienne, est-ce qu'elle a existé, est-ce qu'elle existera. Là, on est vraiment face à une mission qui veut scruter les entrailles de Mars pour savoir comment elle est fichue, quoi, cette planète voisine de la nôtre. Donc pour ça, il y a plusieurs instruments. Il y a une sorte de foreuse allemande qui doit faire des trous jusqu'à 5 mètres de profondeur pour voir qu'est-ce qu'on trouve comme minéraux à l'intérieur de Mars. Mais l'instrument numéro un, l'instrument principal de cette mission, c'est un instrument français qui s'appelle SEIS, S-E-I-S, et qui est un instrument de très longue haleine. Quand on est dans la recherche, il faut vraiment avoir de la suite dans les idées, puisque ça fait 20 ans que l'équipe mené par le chercheur français Philippe Lognonnet, travaille sur ce capteur sismique qui a été envoyé finalement sur Mars. Toute la complexité de ce capteur, c'est qu'il capte autre chose que des séismes. Il faut savoir faire le tri entre ce qui est un séisme, qui sont des séismes assez faibles en plus je crois sur Mars, et ce qui est de l'ordre de l'événement climatique, du vent, d'autres choses. Effectivement, beaucoup de choses peuvent survenir sur la planète Mars. Il peut y avoir des tempêtes. On sait qu'il y a une météo martienne, même s'il y a une atmosphère qui est très faible, qui est très fragile sur Mars, mais il y a quand même une météo martienne. Il peut y avoir des grosses tempêtes, des tempêtes de sable. Donc ça, évidemment, on peut imaginer qu'un capteur qui est soumis à des bourrasques titanesques, évidemment, il va enregistrer quelque chose. Ça ne sera pas des tremblements de terre. Il peut y avoir des chutes de météorites. Quand une météorite tombe sur le sol de Mars, ça fait un cratère, mais ça fait aussi des ondes qui voyagent à l'intérieur de la planète et qui vont finalement rebondir jusqu'à notre capteur. Et être enregistrées. Mais ça n'est pas non plus des séismes. Donc il faut une subtilité très grande selon des paramètres qui sont maîtrisés par les scientifiques du CNRS et l'Institut de physique du globe, mais qui leur permettent, comme ça, d'aller dans le chat de l'aiguille et de dire ça c'est du séisme et ça n'en est pas. Et depuis que le capteur SEIS est rentré en fonction, un mois après l'arrivée de InSight sur Mars, puisqu'il a fallu le temps de le déployer, le rover, etc. Donc depuis qu'il est opérationnel, ils ont enregistré une centaine de signaux et ils affirment de façon certaine que 21 d'entre eux sont des tremblements de Mars. D'une magnitude de combien en moyenne et quels sont les événements les plus forts ? Alors, ce sont des magnitudes assez faibles, de l'ordre de 2 à 3. Alors, c'est sur une échelle qui n'a pas de limite, d'ailleurs. Mais ça correspond sur Terre à des événements qui passeraient complètement à l'as. On ne les verrait pas, on ne les ressentirait pas. Mais ils peuvent être quand même significatifs de cette activité sismique très faible. Ils espèrent à l'avenir, ils sont encore là pour un moment. Le CIS va être là pour jusqu'à la nuit des temps, mais enfin il aura une durée de vie évidemment ce petit appareil, et il en a encore je crois pour au moins une année d'observation devant lui, puisque ça fait déjà un an qu'il travaille. Ils espèrent, les scientifiques experts, pouvoir enregistrer des signaux qui pourraient aller jusqu'à 4 à 5 de magnitude au niveau de ces tremblements. Qu'est-ce que ces relevés nous apprennent sur l'intérieur de Mars et sur sa structure interne ? Pour l'instant, ça nous apprend sur la structure périphérique de Mars. Ce qu'on constatait, d'abord, il y a une surprise, puisque il n'y a pas de tectonique des plaques sur comme Mars. Comme sur Terre, par exemple. Sur Terre, il y en a. Oui, mais sur Mars, il n'y en a pas. Les séismes terrestres, ils sont dus à ce mouvement des plaques en surface. Il n'y a pas cette géologie sur Mars. Donc, d'où viennent ces tremblements? Ça peut venir d'effets de marée qui sont liés à l'attraction qu'exerce la lune de Mars, Phobos, sur sa planète mère. C'est comme la marée qu'on constate entre la Lune et la Terre. La proximité plus ou moins importante entre les deux astres fait que, il y a des interactions. Et la planète Mars peut avoir tendance à s'étirer comme une grosse boule de pâte à modeler. Un chamallow rond. Et ça va créer de la chaleur, des mouvements, et ça peut être l'une des origines de ces tremblements de terre. Ce qu'ont observé les scientifiques, c'est que ces séismes, ils sont assez longs dans le temps. Sur Terre, un tremblement de terre va se propager en quelques secondes et puis ce sera terminé. Sur Mars, c'est de l'ordre de la minute, et il y a même un événement, je crois, qui a été enregistré en avril 2018, qui a duré jusqu'à 15 minutes. Ce qui est énorme et ce qui est aussi significatif de la façon dont est composé Mars. C'est comme une échographie finalement, quand on pratique une échographie pour voir dans le ventre de la future maman comment est le bébé. Là, la façon dont le signal passe, notamment en surface, ça montre que c'est une surface très sèche, beaucoup plus sèche que sur Terre, avec des failles qui n'ont pas été comblées. Il y a toute une sorte de réseau, de ramifications, de trous, dans lesquelles les ondes sismiques vont rebondir, se réfléchir, comme dans un billard pendant très très longtemps. Et c'est pour ça que ça dure. Donc ça donne des indications sur la structure externe de la planète Mars. Pour Bruce Barnrent, qui est le responsable scientifique de la mission InSight, ce premier séisme marque la naissance officielle d'une nouvelle discipline, la sismologie martienne. On a quand même de la chance de pouvoir assister à la naissance en direct et de ces relevés-là et d'une nouvelle discipline scientifique. Et on a encore des années devant nous pour voir jusqu'où cela nous mènera, puisque les scientifiques ont l'œil vers l'intérieur de Mars. Ce qu'ils aimeraient savoir, c'est quelle est la composition du noyau de la planète. Parce qu'il y a un mystère autour de Mars. Mars, c'est quand même où ça a été la planète jumelle de la Terre. Elles ont un début. C'est comme dans Amicalement Votre quand les deux destins bifurquent. Au début, c'est des planètes qui on a l'impression que les destins vont être identiques. Et puis, au bout de quelques millions d'années, Mars perd son champ magnétique. Ça se traduit. C'est pas la seule raison, mais ça se traduit par une disparition de l'atmosphère martienne. Et ça devient cet astre qui n'est plus propice à la vie, comme on la constate sur Terre. Pourquoi est-ce que ce champ magnétique qui prend son origine dans le cœur de la planète, normalement, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, c'est en y allant voir indirectement, via l'observation des ondes sismiques qui peuvent traverser la planète d'un bout à l'autre, qu'on en aurait des indications. Et c'est ce que nous révéleront aussi peut-être les futures missions ExoMars ou Mars 2020. On en reparlera évidemment dans la méthode scientifique très très bientôt, je crois, de Mars. On passe maintenant au deuxième sujet que vous nous proposez aujourd'hui. La 5G aurait un problème avec la météo. Je le dis très très vite, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette 5G, vraiment, pourquoi on s'obstine à vouloir avoir la 5G? Moi, quand je préparais ce sujet, je me disais, mais pourquoi on s'obstine vraiment à avoir ça? Il y a les opérateurs, bien sûr, plein de gens qui sont très très motivés à nous faire acheter de nouveaux téléphones, nouveaux équipements, etc. Bon, dans les usages, on va en tirer un bénéfice, puisque la 5G, c'est un débit 10 fois supérieur à la 4G et c'est un temps de latence qui est inférieur à celui de réaction du cerveau. Donc ça veut dire que, par exemple, pour les jeux vidéo, on peut jouer hors ligne, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que c'est une technologie vers laquelle on va à marche forcée. En France, les bandes de fréquences dans lesquelles vont émettre les opérateurs n'ont pas encore été vendues, n'ont pas encore été attribuées. Ça va l'être durant l'année 2020. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de la 5G en France en 2020. Mais ailleurs dans le monde, et notamment aux États-Unis, la vente a déjà eu lieu durant l'année écoulée. Oh, il y a des pays qui sont extrêmement moteurs comme la Corée, la Chine. Huawei est une entreprise qui est vraiment à l'avant-poste. Elle a installé, par exemple, en Roumanie, Orange, société française qui est présente en Roumanie, a équipé, déjà a fourni un forfait 5G aux Roumains parce que le pays est déjà cartographié par des antennes 5G de Huawei. Parce que là, c'est vraiment, là, on est face à toute l'absurdité de la 5G. Là, je parle vraiment en mon nom. On développe des nouvelles antennes, il va falloir de nouveaux téléphones et tout ça sera déployé à horizon 2025 en France, je crois. Donc, il va falloir rééquiper un pays entier, rééquiper en plus des usagers de téléphone. Comme ça, vous verrez vos séries plus vite sur téléphone. Je ne regarde pas de séries sur mon téléphone, je regarde que des vieux films en argentique. Bon, donc du coup, là, en tout cas, on en vient à l'actualité. Il y a un problème. Ce qu'on voit, c'est qu'à cause de cette marche forcée, il y a des problèmes auxquels on n'avait pas pensé, qui surviennent. Et là, il y a un problème, on ne peut pas dire qu'on n'y a pas pensé, parce que ça fait un moment que les scientifiques spécialistes de la météo poussent des alertes, et il y avait une grosse réunion qui avait lieu en Égypte pendant un mois, pendant presque tout le mois de novembre. C'est une réunion qui a été faite, qui est faite sur la question des télécoms. C'est la conférence mondiale des radiocommunications des Nations Unies. Voilà. Et ça réunit des milliers de personnes qui vont statuer sur les règles de bonne conduite pour les questions de télécom. Et au niveau de la 5G va émettre en particulier sur des ondes à grande fréquence, des ondes dites millimétriques. Et ça va se poser un problème parce que c'est précisément sur une de ces bandes, celle des 26 gigahertz, que travaillent les météorologues. Parce que les ondes électromagnétiques, ça n'est pas simplement un phénomène artificiel qui est provoqué pour faire du téléphone, c'est aussi un phénomène naturel. Et l'eau, la vapeur d'eau dans l'atmosphère, émet naturellement un signal à cette longueur d'onde, juste un chouïa en dessous. Donc les météorologues disent qu'il faut vraiment créer une sorte de zone tampon importante entre les bandes où on va faire de la 5G et celles que nous utilisons nous. Sinon, il va y avoir du brouillage. Tant et si bien que, préviennent-ils, demain, on ne sera plus capable de faire la différence entre un événement météo, la formation d'un nuage, etc., et du bruit parasite qui viendrait de la 5G. Déjà que c'est compliqué d'arriver à des prédictions météorologiques précises. Si en plus la 5G vient se mettre dans les paramètres, ça va être compliqué. Muriel Valin, une petite réaction à ce que vient d'évoquer, au sujet que vient d'évoquer Olivier Lascar. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres ? Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on entend beaucoup de choses sur la 5G. Il y a eu, y compris beaucoup de fake news sur les effets de la 5G sur les animaux, sur les humains. Alors, on ne sait pas grand-chose, mais ce point sur la météo, là, c'est vraiment quelque chose de concret et sur lequel, comme le disait Olivier... C'est ce qu'on appelle une belle boulette, quand même. Ouais. comme le disait Olivier, on avait moyen de l'anticiper et on se rend compte qu'on est un peu au pied du mur, alors que ça y est, toutes les installations ont démarré. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça va être traité dans les prochains mois. Sylvie Burneau. Oui, je trouve ça assez intéressant, cette étude, cette actualité. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que peu importe la météo qu'il fait, vu qu'on sera chez nous à regarder des vidéos en 5G... La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on finit notre tour d'horizon scientifique et sélectif de cette fin d'année avec vous, Sylvie Burnouf, et un sujet hautement... Alors là, on voyait l'humanité est vraiment merveilleuse. On va continuer dans cette perspective, l'humanité est vraiment merveilleuse, avec un autre sujet hautement préoccupant qui est proposé par nos auditeurs sur Twitter, la pollution de notre planète par les microplastiques, avec une étude parue en avril dans Nature Geoscience qui illustre particulièrement bien l'ampleur de cette pollution. Sylvie, cette étude, elle a mis en évidence que l'atmosphère des montagnes pourrait être aussi chargée en microplastiques que dans les grandes villes. Oui, en effet. Alors, c'est une étude parmi d'autres sur les microplastiques, donc ils sont issus de la décomposition du plastique. Le fait est qu'on en retrouve partout. On en retrouve dans l'air, on en retrouve dans l'eau, on en retrouve dans l'alimentation. Et c'est assez inquiétant parce qu'en réalité, on ne sait pas bien quelles en sont les conséquences. Parmi les recherches, donc là vous avez vu qui est ce qui a été relevé dans l'atmosphère au niveau des Pyrénées. C'est la station météo de Bernadouze, dans le sud-ouest, pas loin de Foix. C'est ça. Donc là, dans un endroit vraiment perdu, loin des villes, on a retrouvé des microplastiques qui provenaient donc de l'atmosphère. Il y a d'autres recherches qui sont un peu plus récentes qui ont été faites sur le sujet, mais là, en l'occurrence, enfin, c'était sur des sur le côté aquatique, donc les fleuves. C'était la goélette Tara, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a la Fondation Tara Océan et le CNRS qui ont mené une mission de 6 mois sur les principaux fleuves d'Europe. Donc une mission qui était consacrée à la pollution plastique. Et parmi ces fleuves d'Europe, il y avait les 5 fleuves français. Donc en fait, à quel résultat ils sont arrivés justement ? Parce que là, c'est un résultat à nouveau qui est sidérant. C'est très très dépressurgène, très anxiogène. C'est ça, tout à fait. Donc chiffre ? Je crois que c'est 80% des plastiques qui viennent des fleuves. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres ? Alors moi, ce que j'avais relevé comme chiffre vraiment important, c'était que sur les 2700 prélèvements d'eau qui avaient été réalisés, 100% contenaient des microplastiques. Donc c'est assez. Au moins, on est sûr. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas trop de doute sur la présence des microplastiques. En fait, la question, c'est vraiment quelles conséquences ça va avoir pour l'environnement et pour l'humain aussi. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'environnement, que ce soit pour la faune ou la flore, il y a peu de choses qui sont connues. Mais ce qu'on sait, c'est que ces microplastiques peuvent être ingérés par les organismes aquatiques. Et le problème, c'est que les matières plastiques, elles peuvent d'un côté relarguer des additifs, donc notamment des perturbateurs endocriniens comme les bisphénols ou les phtalates, mais aussi on sait que ces microplastiques sont en quelque sorte des capteurs à polluants. Donc ça veut dire qu'ils peuvent accumuler à leur surface des polluants qui sont présents dans l'environnement, par exemple des pesticides, des hydrocarbures, des métaux lourds. Ils jouent un rôle un peu de catalyseur, un petit peu. Oui, c'est ça, ça regroupe vraiment, ça accumule. C'est polluant et le problème c'est qu'il existe un phénomène qui s'appelle de bioamplification qui fait que la concentration en polluants va augmenter à chaque stade de la chaîne alimentaire. Et alors pour en venir à l'humain, on sait qu'en fait on est exposé aux microplastiques. Il y a une étude qui a été présentée fin 2018 dans un congrès de gastro-entérologie qui révélait que même dans les excréments humains, on retrouvait des microplastiques. Les microplastiques, pour rappeler un petit peu la taille, on parle de quelle taille ? Inférieure à 5 mm. D'accord. Ouais. Jusqu'à quelques nanomètres. Après, c'est une question de la performance des machines pour détecter les toutes petites particules, mais c'est de l'ordre du nanomètre pour les plus petites. Et donc ce colloque-là avait révélé la présence de microplastiques, y compris dans nos déjections ? Oui, c'est ça. Et en fait, on estime que chaque semaine, on ingère environ 5 grammes de plastique sous forme de microplastique. Et il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui s'était exprimée sur le sujet fin août, au moment de la publication d'une synthèse sur les dernières connaissances relatives aux microplastiques qui sont présentes dans l'eau de boisson. Et en fait, comme ces microparticules peuvent être absorbées par l'organisme via le tube digestif, l'OMS avait appelé à, je cite, « mener une évaluation approfondie des microplastiques présents dans l'environnement et de leurs conséquences potentielles sur la santé humaine ». Elle encourage vraiment la recherche et les chercheurs à se pencher très très rapidement sur ce genre de sujet. Donc il y a des études qui ont été initiées récemment, par exemple pour savoir si les microplastiques qu'on inhale peuvent se propager des poumons jusqu'aux autres organes. Il y a aussi des études qui sont faites pour savoir si l'exposition aux microplastiques peut affaiblir le système immunitaire. Mais concrètement, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de l'impact pour la santé. Après, il ne faut pas oublier que la recherche sur cette thématique est relativement récente. Ouais. Ça fait à peu près une dizaine d'années que ça existe, donc voilà, ça prend du temps. On peut peut-être faire aussi un petit rappel de chiffres en termes de production de plastique depuis les années 50. C'est un chiffre qui croît de façon exponentielle et encore plus de façon sidérante depuis les 15 dernières années à peu près. C'est ça. Et en fait, à l'heure actuelle, la production mondiale de plastique avoisine les 300 millions de tonnes par an. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Je crois qu'entre 1950 et 2015, il y a eu 8,3 milliards de tonnes de plastique produites et la moitié de ces 8,3 milliards a été produite entre 2000 et 2016. C'est réjouissant. Quelles sont les mesures politiques prises ? On a pas beaucoup parlé, avec pas mal d'ironie récemment, de la mesure prise par le gouvernement français d'interdire les plastiques à usage unique à horizon 2040. Mais il y a d'autres mesures dans cette loi. Quelles sont les mesures coercitives, on va dire, qui peuvent être engagées et prises actuellement par la classe politique ? Alors, au niveau européen, déjà, à partir de 2020, il devrait y avoir un arrêt des plastiques à usage unique. Donc, tout ce qui est coton-tige... Ça prendra effet en France, je crois, à partir du 1er janvier 2020, c'est ça ? L'arrêt des coton-tiges. Fini les coton-tiges, déjà. Et je crois que ça va concerner aussi les pailles, les couverts en plastique, ce genre de... Après, voilà, il y a des alternatives qui existent. Ouais. Enfin, des coton-tiges, on en trouve avec la tige, justement, en papier, plutôt qu'en plastique, et ça marche aussi bien, donc pourquoi pas utiliser ça. Mais voilà, ce qui est important, enfin aussi, il y a le recyclage bien sûr pour éviter que ces plastiques se retrouvent dans la nature. Mais au-delà de ça, il y a aussi faire en sorte que la production en tant que telle de plastique soit diminuée, donc utiliser des récipients, des récipients qui sont réutilisables, aller au supermarché avec un sac en tissu. Chaque année, un tiers de la production du plastique devient automatiquement un déchet. Et quand on sait qu'un tiers de la production annuelle, c'est 100 millions de tonnes, ça fait un peu frémir. Bon, on va essayer de se rassurer avec un deuxième sujet qui est peut-être un peu plus porteur d'espoir, qui est un sujet plus de santé. On passe au sujet que vous nous avez apporté, Sylvie Burnouf. En France, le nombre de personnes ayant recours à la PrEP, qui est une prévention médicamenteuse contre le VIH, a doublé en un an. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel sur ce que c'est que la PrEP, quels en sont les effets et quelle est la posologie pourquoi c'est important cette étude? Je voulais vous parler justement de cette bonne nouvelle pour la santé publique, donc qui concerne la prévention de l'infection par le VIH. Donc en fait, c'est une annonce qui a été faite fin novembre par l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Une annonce relative au déploiement en France donc de la prophylaxie pré-exposition au VIH, donc qui est plus connue sous le nom de PrEP au VIH. Donc en fait, la PrEP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un traitement donc préventif qui est destiné aux personnes qui sont séronégatives, donc non infectées. Mais qui ont des pratiques à risque. Voilà, c'est ça, qui présente un risque élevé de contamination par le VIH. Et en fait, cette PrEP a fait preuve d'une très haute efficacité pour prévenir les infections par le VIH, donc dans plusieurs essais cliniques, mais aussi en vie réelle. En novembre, donc l'ANSM annonçait que le nombre de personnes qui avaient initié une PrEP au VIH en France avait doublé au cours de la dernière année. Et donc maintenant, le nombre d'utilisateurs est un peu supérieur à 20 000 en France. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la lutte contre le VIH-SIDA, puisque en fait, chaque année en France, il y a plus de 6 000 nouvelles infections par le VIH qui sont diagnostiquées. Donc la PrEP, c'est quelque chose qui est recommandé par l'OMS depuis 2015. Pour les populations les plus à risque, donc notamment les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qu'on appelle le HSH, les travailleurs et travailleurs du sexe et les usagers de drogue par voie intraveineuse. Et en France, la PrEP, elle est disponible et remboursée depuis 2016. Alors, il y a plusieurs façons de la prendre. C'est possible de la prendre de façon continue, donc tous les jours, quotidiennement. Il est possible aussi de la prendre à la demande. Donc, c'est quand on s'attend à avoir un rapport sexuel à risque. Donc ça, c'est des choses qui ont été menées par des chercheurs français de l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui ont montré que c'était aussi efficace de prendre ce traitement à la demande, donc vraiment quand on allait avoir un rapport sexuel à risque. Je crois qu'il y a eu aussi également une méta-analyse qui a permis de mettre en évidence la présence d'autres infections sexuellement transmissibles chez ces personnes qui sont sous PrEP et que c'était malgré tout une bonne nouvelle puisque ça signifiait que ces personnes qui avaient des comportements à risque faisaient un meilleur dépistage, dépister d'autres types d'infections et ce qui était une relativement bonne nouvelle. Oui, relativement, parce que le fait d'avoir une infection sexuellement transmissible, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais là, on parle d'infections bactériennes qui sont des infections à gonocoque, à chlamydia ou encore la syphilis, et ce sont des infections qui sont, on peut les traiter avec des antibiotiques, donc par rapport au VIH, ça n'a vraiment rien à voir. Cette méta-analyse montrait que les personnes sous PrEP, enfin qu'il y avait la prévalence des IST était au bout d'un an était plus importante. Merci beaucoup Sylvie Burnouf. Le temps file, on va partager toutes les informations utiles en lien avec ce travail sur la PrEP sur notre fil Twitter et sur notre site. Merci beaucoup à tous les trois, à vous Sylvie Burnouf, à vous Muriel Valin, à vous Olivier Lascard d'être venu nous donner toutes ces informations scientifiques aujourd'hui. On vous retrouve rétrospectivement dans les pages Planète du Monde, dans Science et Vie et dans Science et Avenir. Un grand et chaleureux merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui m'a aidé à préparer les émissions cette semaine. Eve Etienne, Alexandra Delbo, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Clémence Alzard, Céline Lozen. Un grand merci également à Émilie Valla qui réalisait l'émission cette semaine. À la technique aujourd'hui, Audrey Galil. Merci. La semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Martin. Lundi, nous parlerons d'utérus artificiel. Mardi, de fusion nucléaire. Mercredi, des robots de Boston Dynamics. Jeudi, nous rediffuserons le grand entretien avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal. Et vendredi, on parlera extraterrestre et paradoxe de Fermi. Rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.